Bonjour frères et sœurs, et nous tournons encore une page, nous arrivons au chapitre 14. Et dans ce chapitre 14, 15 et 16, Jésus veut essayer de consoler ses disciples. Parce qu'on a vu hier qu'il dit « Je m'en vais, et vous ne pouvez pas venir où est-ce que je vais. » Pierre exprime un peu la pensée des autres peut-être. Seigneur, pourquoi on ne peut pas aller maintenant? Pourquoi on ne peut pas aller avec toi? Vous ne pouvez pas venir, dit-il. Vous viendrez plus tard. Et là, du chapitre 14, 15 et 16, et 17 aussi, on va le voir aussi, il va leur expliquer comment ça va se faire. Comment ça, ils vont pouvoir venir le rejoindre un peu plus tard. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, quand Pierre a dit « Nous voulons aller avec toi, là où tu t'en vas », il ne savait pas ce qu'il disait. Il voulait aller dans la présence de Dieu, parce que Jésus en allait vers Dieu, vers son Père. Il s'en retournait dans la gloire. Donc, il va expliquer à ses disciples comment ils vont pouvoir venir là où lui s'en va. Donc, on te demande, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, nous conduire, nous faire comprendre de plus en plus, de mieux en mieux, ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions entrer en ta présence, dans la présence du Dieu trois fois saint. Donc, guide ce temps ensemble pour ta gloire. Amen. Lisons ensemble verset 1 du chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Leur cœur est troublé. Tu comprends? Ils l'ont suivi pendant trois ans. Il leur a parlé, prêché. Il les a instruits. Et là, il leur dit, je m'en vais et vous ne pouvez pas venir avec moi. Donc, il va essayer de les calmer. Il va essayer de les consoler. Ils sont troublés. Il va essayer d'éclaircir leur esprit, d'éclaircir leurs idées, afin qu'ils ne soient plus troublés. Souvent, ce qui nous trouble, c'est l'incompréhension. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez. Croyez ce que Dieu a dit. Croyez ce que je vous ai dit. Croire en Dieu, c'est croire en moi. Croire en moi, c'est croire en Dieu. Moi, il ne peut pas plus s'identifier avec Dieu que cela, quasiment. Et là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ce texte a été interprété par plusieurs, comme Jésus va partir, il s'en va dans le ciel, et il nous prépare une place. Et quand cette place-là va être préparée, il revient nous chercher. Il y en a qui pensent qu'individuellement, quand ils viennent nous chercher, c'est parce que notre place est prête. D'autres pensent qu'ils reviennent nous chercher en tant qu'Église, parce qu'ils ont fini de préparer les nouveaux cieux, nouvelles terres. Je vais vous en suggérer un autre. Je ne crois pas ici qu'il nous parle d'une place physique ou matérielle. Je crois que Jésus va nous préparer une place en partant de ce monde et en mourant sur la croix. Il dit, je m'en vais. Je vais aller vous préparer une place. Il va expliquer comment, en s'en allant. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand la place va être prête, je reviens et je vous prends avec moi afin que vous soyez là où je suis. Et il vient de dire dans le chapitre 13, je m'en vais au Père, je retourne d'où je viens. Et dans le chapitre 17, il va prier, Seigneur, amène mes disciples là où je suis. Je veux qu'ils soient avec moi. Il s'en va auprès de Dieu. Donc, il dit, je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer une place, et je reviens vous chercher, je vous emmène, où? Auprès du Père. Et vous nous emmenez dans la présence de Dieu. Wow! S'ils avaient bien compris, leur cœur aurait été moins troublé. Il aurait dit, wow, vas-y Seigneur, pars, va nous préparer une place et reviens nous chercher le plus vite possible. Reviens afin qu'on soit avec Dieu, qu'on soit dans la présence de Dieu. Mais ils ne saisissent pas. Ils ne croient pas qu'ils devraient partir. Et on va voir qu'ils ne veulent pas qu'ils meurent. Ils ne veulent pas qu'ils meurent. Mais lui, il sait bien qu'il doit partir. Et la façon qu'il va partir, c'est à travers la mort, à travers la croix. Donc, il dit, je reviens. Il va mourir. Il va revenir quand? Est-ce que c'est après sa mort? Il va aller les visiter pendant 40 jours? Est-ce que c'est ça qu'il parle? Je ne crois pas. Je crois qu'il va, ressusciter, il va monter au ciel. On va le voir tout à l'heure, chapitre 15 et 16, il va prier pour envoyer un autre consolateur. Je reviens, dit-il. Et je vous prends avec moi dans la présence de Dieu. Je crois que la place qu'il nous a préparée, c'est par sa mort, sa résurrection, son ascension et la venue du Saint-Esprit. Et là, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir aller dans la présence du Père. Nous avons accès au Père, nous avons accès au Fils. Donc, c'est de ça que je crois qu'il parle ici. C'est pas d'une place avec un aiguille puis un marteau, avec une scie puis un marteau, avec des clous, qui va nous préparer une petite maison, chacune de nous, une petite cabane, dans la maison du Père. Je crois pas que c'est physique. Ah, je crois qu'un jour, il va venir nous chercher, il va nous emmener au ciel, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Mais je crois pas personnellement que ça va prendre 2000 ans à Jésus à préparer le nouveau ciel, nouvelle terre. Il a fait les premières en 6 jours. Je crois pas qu'il va prendre 2000 ans pour préparer la deuxième. Donc, il dit, je m'en vais. Mais, soyez pas inquiets, soyez pas troublés, je reviens. Et je vous prends avec moi, et je vous amène avec moi. Là où est-ce que je m'en vais? Donc, dans la présence de Dieu. On va en lire un autre bout. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il dit, vous savez le chemin pour venir me rejoindre auprès du Père. Je m'en vais. Je vais vous prendre avec moi. Je vous savais le chemin. Là, les disciples disent, on ne sait même pas ce que tu t'en vas. Comment tu veux qu'on sache le chemin? Et là, Jésus dit le verset que tout le monde connaît. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je m'en vais au Père, et le chemin, vous le connaissez, c'est moi. Je suis le chemin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Montre-nous le Père, dit Philippe. Ben, dit, tu l'as vu? Ben non, dit, je ne l'ai pas vu. Ben oui, tu l'as vu. Si tu as vu, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu le Père, tu as vu le Fils. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Il va le dire plus loin, nous sommes... Il l'a dit avant, excusez. Nous sommes un, nous sommes pareils, nous sommes égaux. Tout ce que le Père fait, je le fais. Je suis comme le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que le Père est en moi? N'as-tu pas reconnu les paroles de Dieu dans les paroles que j'ai dites? N'as-tu pas reconnu les œuvres de Dieu dans les œuvres que j'ai faites? Les paroles que j'ai dites, c'est les paroles de Dieu. Les œuvres que j'ai faites, c'est les œuvres de Dieu. Je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité qui mène au Père. Je suis la vie qui mène au Père. Les trois raisons ici, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pour qu'on puisse aller au Père. Il n'y a pas de moyen d'aller au Père sans Jésus qui va mourir sur la croix. Il n'y a pas de moyen d'aller au Père sans la vérité qui est Jésus, qui enseigne la vérité. Il n'y a pas de possibilité d'aller au Père sans la vie. Et c'est lui qui va nous donner la vie, qui donne la vie à celui, à ceux que lui-même a choisi. Donc, ayant le chemin, ayant la vérité, ayant la vie, nous pouvons aller au Père. Quelle vérité! Ce que Jésus nous offre ici, mes frères et sœurs, c'est la vie abondante qu'il a parlé tout à l'heure. Il nous dit ici, en le disant à ses propres disciples, il nous dit à nous. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et je veux aller au Père. Je m'en vais. Et si vous croyez en moi, vous allez vous en venir avec moi. Nous pouvons dire, nous présentement, beaucoup plus honnêtement et sincèrement que Philippe, ça nous suffit. Parce que nous avons maintenant accès au Père. Notre place a été préparée par le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Il a ouvert le chemin, il a inauguré le chemin qui mène à Dieu par sa mort. On sait qu'il a déchiré le voile du temple et que maintenant on a accès à Dieu. Et quand on arrive dans la présence de Dieu, nous retrouvons Dieu le Père et Dieu le Fils. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Cela nous suffit d'être dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire autre chose. Même si Dieu ne répondrait jamais à aucune de vos prières, même si Dieu nous attacherait sur un lit pour le restant de notre vie quadrapégique, on devrait dire « Cela nous suffit ». Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Jésus. Mais c'est facile à dire, hein? Il y a une partie de nous qu'on appelle la chair qui ne veut pas ça. Pour elle, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a ce grand combat avec la chair. La chair veut nous emmener dans toutes sortes de folies de ce monde pour pour la chair, Dieu ne suffit pas. Et même pour la chair, c'est juste, c'est pas que ça suffit pas, la chair n'en veut pas de Dieu. Votre chair n'aime pas Dieu. Votre chair rejette Dieu. Notre chair n'est pas attirée par Dieu. Mais la partie de nous qui a été régénérée, la partie de nous qui est née de nouveau, cette partie de nous qui a la vérité en nous, qui avons la vie en nous, la lumière en nous, pour cette partie-là, Dieu, ça nous suffit. Dieu, ça nous suffit. C'est pour ça que quand Dieu nous enlève quelque chose des fois qu'on aime, ou que quand Dieu nous met des X sur nos projets, sur nos rêves, nous pouvons dire, cela nous suffit. Dieu est avec nous. Nous sommes dans sa présence, nous avons accès à sa présence, cela nous suffit. Même si il nous enlèverait la vie, ou on devrait mener notre vie, on dirait encore, cela nous suffit. Donc, je ne sais pas si les disciples ont été consolés avec ça, mais nous, aujourd'hui, nous sommes consolés. Sur le coup, je ne pense pas qu'ils ont été consolés. Ils n'ont pas tout compris ça. Un peu plus loin. Mais qu'il y a le Saint-Esprit avec eux. Là, ils vont comprendre beaucoup plus. Ils vont comprendre comme nous, on comprend. Et nous autres, dans les moments de difficulté de la vie, nous pouvons dire, cela nous suffit. Notre Père du ciel, tu nous as préparé une place, tu nous as emmenés avec toi. Là où tu es, nous sommes aussi. Nous avons accès au trône de la grâce, nous avons accès à Dieu. Nous sommes avec toi dans sa présence. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux et merci d'avoir préparé le chemin. Merci de nous avoir dit la vérité. Merci de nous avoir donné la vie afin que nous puissions être avec le Père. Que cette journée qui est devant nous puisse te glorifier. S'il y a des moments où est-ce que les choses arrivent difficiles, qu'on peut dire avec Philippe, cela nous suffit. Je pense spécialement à mon garçon Ézéchiel en ce moment, qui est à l'hôpital, qui vit des choses difficiles, qui souffre. Seigneur, par ton esprit, fais-lui la grâce de dire, je suis avec Dieu, cela suffit. Au nom de Jésus, Amen.